Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ah, Yesu, na sekipo, nzambela nga azosala. Alléluia. Komisa mazambe na bikamwa kolo na ngai. Nzambe na bolingo, papa ya obongwani teo. Yawe na ngana bete la tolo, Alpha ozali Omega. Komisa mazambe na bikamwa kolo na ngai. Nzambe na bolingo solo yo bomwani teo Yawe na ngala tsela motema Alpha ozali Omega Mpona biso ba oyo soki Yesu te nde tusuka wapi Matomboli maboko likolo elemba konetola yo Na pasoli yanga motema kasi bilamba te yaya Masanjoli etondi nga meke Yesu na bonjeli yo Yamba Mai na miso etondinga meke Babeti na ifimbo te Yesu Na leli lokola mwana moka ya kufeli baboti Nzoka bolingo na yo Yesu Kristo e mati ngai mote Mai bimisi mai na miso ya ya Na kokite na leli Kulila nyoso, izalaka na mwate Na mesa na kubenga yo miracle, papa eza na tina Na mesa na kubenga yo bika mwa frema mpona ebi Oyo sali, katina bomo inanga Mota mukila kokyo salate yawe Yango na neto laka yo mpoyo zanza binanga Adonai Sekanyo sombe, izala kakaka ya esemote Na ligete, na bebi sa relasyon oyo to sala Oya ngonde, tindinga lelo na simba kembo na yo Papa nanga yo tonda nguya Leli sanga ya yo mwana Na pengwa teo, zambi nanga Saba ote Yesu na ngolu na yonde nga ila benga milelo mwana ya tata bika mwa Epa nga yo zali solo bomoy Yanga bita ye Kumama yo kumama nzambe nanga Sanjo Nzambe nanga Neto la mapapa nanga Eza na tina na kwembela yawe Eza na tina na koneto la baba Ezana tina nga ila bela kayo miracle Ezana tina na koye mbana nzembo Kumama zambela bete la tolo Oh kumama baba nzela motema nanga Kumama solo yuko mwa nipenza be Swalwe Jesus Oh, swan way. Seigneur soit loué. On a dit que nous avons fait du camo pour le bon moyen de nous faire des tatou l'incolo. Alléluia. Pour le bisoba homo qui les bloque à qui et moi qui m'pamba. Pour le bitou, ça n'est pas souvenir. Pour ça qui a kokoufa, y a kopola. Nous avons gagné Yesu Masia yo omoni, tina ya bomo ilangai. sont mes bénis. Je n'en parle que nous avons la vie. santo lobiko ya babulisani oye ute paina yawe ngaina ponio ngaina ponio yaka na mote yaka na mote ngaina lingio ngaina Yeah. toi, mon Jésus, l'époux parfait. Notre amour est pour toujours, dans le cœur éternel. Je t'aime autant que tu demeures dans mon cœur, mon bien-aimé. Rien de plus merveilleux que de t'aimer et te servir. Conduis ma vie dans ton décor, en accord avec le Père, pour que je vive dans ta présence, le degré de ton amour. Dans ta présence tout se révèle, dans ta gloire tout s'est dit, dans le secret de ta grandeur, où j'entends ta douce voix. Étends ta main, touche mon être, envahis mon esprit, de tes biens et tes richesses, tu es le vrai bonheur. Je lève mes yeux vers toi, Jésus, pour te dire ce mot d'amour. Je t'aime, mon bien-aimé, reste plus près de moi. Raison de tous mes rêves, loin de tous les hommes, près de ta personne, dans la chaleur de tes bras, environné de tes louanges. Là j'entends ton cœur qui bat, de l'amour que tu as, en dépit de tout le mal que je fais. Jésus, tu es le seul, aux yeux de l'Éternel, digne d'adoration, ma valeur à tes pieds. Quand je vois ta vie en moi, je confesse que tu es roi. La mienne n'a pas de sens, quand je vis ton absence. Oui, allons, mais dans la main, au rythme de ton chant, partageant le vrai bonheur, les délices de ton royaume. Mon bien-aimé, Jésus, je t'aime, oh. Je t'aime, tu es à moi. Prends mon cœur, ma vie. Jésus, je t'aime, je t'aime, mon bien-aimé. Je t'aime encore. Je t'aime, mon bien-aimé. j'entends ton cœur qui bat de l'amour que tu as en dépit de tout le mal que je fais ici-bas. De la vie éternelle, pour que je t'adore, que je te loue. tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon être. Me voici devant toi, Jésus.